Aujourd'hui, dans Affaires Sensibles, quelques chiffres. En France, on compte près de 70 000 livres publiés chaque année, 10 000 éditeurs, 3 300 librairies, soit l'un des réseaux les plus denses au monde, 100 000 auteurs revendiqués et plus de 400 millions de livres vendus. L'industrie du livre est clairement la première des industries culturelles devant les loisirs interactifs, la vidéo et la musique. Et pourtant, la question était sur toutes les lèvres au plus fort de l'épidémie de Covid-19. Souvenez-vous, le livre est-il un produit essentiel ? Fermées pendant des semaines, les librairies ont prouvé à quel point, oui, elles étaient un baromètre majeur de notre culture commune. Et c'est en grande partie grâce à une loi qui date de 1981. Une loi dont on n'imagine pas aujourd'hui qu'elle a pu donner lieu à une bataille sanglante, celle du prix unique du livre, notre affaire sensible aujourd'hui. On l'a appelée la loi Lang, du nom de son inspirateur, Jack Lang, ministre de la Culture de François Mitterrand. Cette année, en 2021, on célèbre les 40 ans de cette loi qui a transfiguré le monde de la librairie, de l'édition et forcément des écrivains. Flashback donc sur l'une des périodes clés de l'exception culturelle française. Et notre invité aujourd'hui, ce sera tout simplement Jack Lang. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA. Récit documentaire Vincent Lebrun, coordination Christophe Barrère, réalisation Flora Bernard. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Dîner 1981. Porté par des sondages favorables, le président sortant, Valéry Giscard d'Estaing, croit dur comme fer à sa réélection. Le problème, c'est que son rival, François Mitterrand, bien qu'affaibli par la fin de l'Union de la Gauche en 1977, est lui aussi intimement persuadé de sa victoire. Autant dire qu'au soir du scrutin, le suspense reste entier. Et à 20h tapante, le visage du nouveau président s'affiche sur tous les écrans de télé. 5, 4, 3, 2, 1. François Mitterrand est élu président de la République. Nous répétons donc, estimation C2ION et Welbull, Monsieur François Mitterrand est élu président de la République, 51,7%, Valéry Giscard d'Estaing, 48,3%. La gauche arrive aux responsabilités après 23 années de droite au pouvoir. Un peu partout dans le pays, on rêve à des lendemains qui chantent, on connaît l'histoire. Rappelons tout de même que le programme d'action du nouveau président s'établit autour de 110 propositions, édictées en février 1981, parmi lesquelles figurent la semaine des 39 heures, la retraite à 60 ans, la nationalisation des grands groupes industriels et l'abolition de la peine de mort. Mais c'est la centième de ces propositions qui nous intéresse aujourd'hui. Elle est ainsi formulée. La libération du prix du livre sera abrogée. Plus qu'un vœu pieux, c'est une profession de foi, une promesse que l'un des plus fidèles lieutenants de Mitterrand, Jack Lang, va devoir porter sur les fonts baptismaux. Jack Lang s'entend à merveille avec François Mitterrand dès qu'il s'agit en tout cas de parler de culture et tout particulièrement de littérature. Car le président est un lecteur passionné, connaisseur. Voici ce qu'en disait l'écrivain Éric Orsenna à son décès en 1996. Je crois que c'est sa famille, c'est une autre famille. Il y a sa famille, je dirais, de sang, de chair, et puis il y a sa famille de pages, de mots, de livres qu'on ouvre un peu partout. Mais depuis, je crois, le plus jeune âge, c'est quelqu'un qui est dans la lecture en même temps que dans la vie. On a l'impression qu'il arrive au monde, il sort du ventre de sa mère pour entrer dans les pages d'un livre. Le président aime s'entourer d'écrivains. À son investiture, le 21 mai 81, étaient présents des invités de marque comme Gabriel Garcia Marquez, William Styron, Aimé Césaire ou Julio Cortázar. Il entretient depuis longtemps des amitiés avec Marguerite Duras également ou François Sagan. Oui, l'homme du 2 mai 81 est un grand amateur de la chose écrite. Parmi ses auteurs achevés figurent Stendhal, Flaubert, Aragon, Chateaubriand, Shakespeare, Hemingway, Tolstoï ou Dostoïevski et des poètes comme Paul Valéry ou Jean Cocteau et aussi Jacques Chardon, dont il s'était entiché, charentais comme lui, ceci explique peut-être cela. Enfin, le portrait de François Mitterrand en 1981 en est une preuve. On le voit trônant devant une bibliothèque avec dans la main un exemplaire des Essais de Montaigne. Presque plus que la politique, les livres, c'est toute sa vie. Lui dont on remarque à chacun de ses déplacements qu'il porte toujours un ouvrage dans les mains ou dans la poche. Lui qui, selon la légende, aurait dit à la photographe Gisèle Freund, qui a réalisé le fameux portrait, « Vous savez, je suis un écrivain avant d'être un homme politique. » Il a en effet écrit plus d'une vingtaine de livres, et pas seulement des livres politiques. Et dans le sillage de ce président écrivain figure un certain Jack Lang. Lui a 41 ans. C'est à la fois un homme politique et un homme d'art. Professeur de droit de formation, il a écrit sa thèse sur le théâtre et le droit. Il a 24 ans. Quand il fonde, en 1963, le festival de théâtre à Nancy qui atteindra une renommée mondiale. Il y a tout appris du métier. Trouver des subventions, bâtir un réseau, découvrir des talents. Nommé en 1972 sous Pompidou, directeur du théâtre de Chaillot à Paris, il en sera congédié 2 ans plus tard par Michel Guy, le monsieur culture de Giscard d'Estaing, qui le trouve trop subversif. Soutenu à l'époque par des personnalités comme Michel Piccoli, Antoine Vitesse ou Patrice Chéreau, Lang incarne une ambition culturelle française. Serait-il déjà au nouveau André Malraux? Toujours est-il qu'un jour, il consacrera à l'auteur de La Condition humaine, le ministre de la Culture du Général, un livre intitulé « Lettre à Malraux », où il évoque son modèle au micro de France 3 en 1996. Lorsque j'avais une vingtaine d'années, avec tous les amis qui, avec moi, essayions à ce moment-là de changer les choses, de changer la culture, de reconstruire le monde, Malraux, au contraire, nous apparaissait un petit peu comme une sorte de grand frère, de protecteur de la liberté et des arts. Et souvent, sans le savoir lui-même, nous ne le connaissions pas, il nous apportait une sorte de soutien indirect par sa parole, par sa présence à la tête de l'État. Il était comme une sorte de grain de folie dans un système qui, à nos yeux, était parfois un peu trop autoritaire ou paternaliste. Il était par conséquent un espoir et il nous a guidés souvent dans nos pas, même lorsque nous combattions le gouvernement auquel il appartenait. Quand Jack Lang murmure à l'oreille de Mitterrand en 1981 cette idée du prix unique du livre, ça y est, on y vient. Tout est à construire. Longtemps, le système en vigueur était celui de la politique du prix dit conseiller. Le prix en question était indiqué sur le livre, mais la mesure était facultative. Bon, en général, les librairies l'appliquaient, mais elles étaient libres de vendre le livre avec des remises ou des majorations. En février 1979, est publié sous le gouvernement de Raymond Barre l'arrêté Monory, qui lui libère totalement les prix. Et l'éditeur n'a plus son mot à dire, non, c'est le libraire qui choisit. Autant dire que le livre est désormais considéré comme un produit identique aux autres, soumis aux seules lois du marché. Et c'est bien ce qui provoque la colère de l'écrivain François Caradec dans l'émission Le Monde Contemporain sur France Culture à la fin des années 80. On sent très très bien une dégradation totale, et on sent cette dégradation totale du côté des pouvoirs publics, ça c'est inutile que je fasse un dessin, il suffit de voir quel a été le budget de la culture cette année, pour voir le mépris total dans lequel le livre et que se trouve, le livre, ça n'intéresse personne. En tout cas, ça n'intéresse pas les pouvoirs publics. Ça n'a aucun pouvoir électoral, le livre. Aucun. Ni les auteurs, ni les éditeurs, ni les libraires, ni les lecteurs n'ont un pouvoir électoral. Ah, déclaration faite le 20 décembre 1980, non pas à la fin des années 80, mais à la fin de l'année 80. Tiens, selon le journal La République des Lettres, les différentes politiques menées jusqu'à présent ont provoqué la fermeture de nombreuses librairies, justement, concurrencées par les grandes surfaces, dont la Fnac, qui vend des livres depuis 1974. Simone Mussard, la directrice des librairies de la Fnac, dressait son bilan de l'année 80 dans la même émission. En 1980, nous avons vendu, enfin nous allons vendre, puisqu'il nous reste encore 15 jours au mois de décembre, nous allons vendre 9 millions de livres. Ce qui est tout de même pas mal. Parler d'objets, là. 9, oui, ah, 9 millions de livres. Oui, c'est ça, 9 millions de livres. La Fnac représente actuellement 5 à 6 % du chiffre d'affaires national de l'édition. Ce qui fait le succès de la Fnac, c'est, bon, bien sûr, il y a le prix qui est réduit par rapport à ce qui se passe dans les autres librairies. Il était auparavant, on pouvait annoncer 20%. Bon, maintenant, les prix sont à peu près toujours de 20% inférieurs à ce qui se passe dans le commerce traditionnel. Mais ce qui fait aussi le succès de la FNAC, et sûrement autant, c'est le choix incomparable que la FNAC s'attache à présenter dans ses librairies. Il y avait à l'époque 9 FNAC en France. Il y en a aujourd'hui 215. En 1980, face à la libéralisation des prix, le monde de l'édition se dit soucieux pour son avenir. Jérôme Lindon, le directeur des éditions de Minuit, qui a créé en 1977 l'APU, l'Association pour le Prix Unique, fait publier en février 81 une affiche en réaction à la loi Monory, où l'on peut lire notamment que le prix des livres, qui n'avait cessé depuis 10 ans de baisser par rapport au coût de la vie, eh bien augmente, selon l'INSEE, 2 fois plus que l'indice national. Le raisonnement de Lindon est simple. Si les librairies, maillons fragiles dans la chaîne du livre, disparaissaient, les éditeurs s'écrouleraient et les écrivains avec eux. Et donc, les lecteurs. CQFD. Comme l'écrivait Ray Bradbury dans Fahrenheit 451, dystopie glaçante sur un monde dans lequel les livres sont soumis à des autodafés, vous savez, il n'y a pas besoin de brûler des livres pour détruire une culture. Il suffit de faire en sorte que les gens arrêtent de les lire. Mais revenons à Jérôme Lindon. Dans son combat, il bénéficie de l'écoute bienveillante de Jack Lang, qui le 22 mai 1981 est nommé ministre de la Culture de François Mitterrand. La première priorité du nouveau locataire de la rue de Valois va au budget, et il obtient du président la promesse que celui de la culture sera multiplié par 2, ce qui n'avait jamais eu lieu auparavant. Et son deuxième chantier, c'est donc celui du prix unique du livre. Pour Jack Lang, il faut aller vite, très vite. Il veut prendre tout le monde par surprise. Je sens, dit-il, que le rapport de force n'est pas favorable, qu'il faut les prendre de court, qu'il n'est pas le temps de respirer. Ils, ce sont les grandes enseignes commerciales qui craignent cette loi qu'elle qualifie de liberticide. François Mitterrand n'est évidemment pas insensible aux arguments de Jack Lang. Toujours sur France Culture, l'éditeur Pierre Belfond évoque la fragilité de son métier. Le best-seller, on en a besoin, je suis ravi chaque fois que j'ai la chance d'en avoir un. Mais, dans une production, nous publions chez Belfond environ 80 titres par an, et les bonnes années, nous avons 2 best-sellers. Alors, qu'est-ce que je fais de mes 78 autres titres? Eh bien, j'ai regardé un peu mes statistiques avant de venir à cette émission. L'année est finie pour moi. 80 titres, 2 best-sellers, 3 livres qui auront fait leur vie, une cinquantaine de titres qui auront perdu un peu, et tout le reste, une perte totale. Donc, si vous voulez, c'est vraiment le best-seller dans l'édition, c'est l'arbre qui cache la forêt. Pour peaufiner son projet, Jack Lang, lui, a passé beaucoup de temps à rencontrer des écrivains, des éditeurs, des libraires, mais aussi des économistes, des juristes et des spécialistes de la culture. Il a organisé plusieurs confrontations sur le sujet, et il a donc l'appui indéfectible de Jérôme Lindon, qui, aux éditions de Minuit, publie des auteurs aussi prestigieux que Marguerite Duras, Claude Simon ou Samuel Beckett. Réputé austère, mais très écouté dans la profession, Lindon est un éditeur créatif, engagé, visionnaire. Et il sait à quel point un écrivain et un livre ont besoin de temps pour naître et survivre. Jack Lang, lui, fourmille d'idées pour donner du souffle au monde culturel. C'est à lui que l'on devra notamment, dans les années qui vont suivre, l'invention de la fête de la musique en 82 et de la fête du cinéma en 85. Mais pour mener à bien son projet de prix unique du livre, son cheval de bataille prioritaire, il faut abroger le fameux arrêté Monory. Mais, sauf qu'a priori, la fixation du prix du livre étant liée au pouvoir d'achat des Français, c'est un dossier qui devrait être confié au ministre de l'Économie et des Finances, Jacques Delors. Mais pour François Mitterrand, le livre, c'est la culture. Et donc, l'abrogation de l'arrêté Monory doit être pilotée par le ministre de la Culture. Alors, dès son arrivée rue de Valois, Lang met tout le monde en ordre de bataille, persuadé qu'un simple décret suffira pour mettre l'arrêté en question hors d'état de nuire. Mais son staff l'interrompt tout de suite. Il faut une loi. La Constitution française est ainsi faite qu'il est impossible d'instaurer un régime d'exception pour le prix du livre sans légiférer. Dans l'ouvrage collectif « Que vive la loi unique du prix du livre », il écrit « C'est un grand coup de poing dans l'estomac que je reçois quand je songe à toutes les difficultés à venir. Et puis, une loi, ça veut dire passer par le Conseil d'État et par les deux assemblées qui composent le Parlement. Cela signifie des débats à n'en plus finir. La tâche semble herculéenne. Et surtout, si Jack Lang veut obtenir gain de cause, il doit aller à l'Assemblée. Or, le rapport de force n'est pas favorable, à cause notamment du puissant lobby de la grande distribution, redoutable. Le présentateur de l'émission Le Monde Contemporain sur France Culture résume bien la situation. Combien de témoignages avons-nous de libraires et, j'ai même des auditeurs qui nous écrivent, qui voient arriver chez eux des gens qui feuillettent un livre, ils regardent voilà, combien ça coûte, X francs, bon merci monsieur, ils s'en vont, ils vont acheter à la grande surface quand c'est le best-seller, à la Fnac quand c'est... Bon, alors, ou pas du tout. Ou pas du tout. Lang, lui, connaît la fameuse leçon politique, selon laquelle ce qui n'est pas fait avant l'été rencontre ensuite de lourdes difficultés. Il craint en effet que les mastodontes de la grande distribution ne profitent des mois de vacances pour exercer leur influence et déployer leurs forces publicitaires pour infléchir l'opinion. Désarçonné, le nouveau ministre de la Culture s'en ouvre à Jérôme Lindon. C'est la catastrophe. Comment va-t-on faire ? Concevoir un arrêté en quelques heures, c'est possible, mais une loi, c'est impossible. Lang semble même découragé. Mais Lindon va lui redonner un coup de fouet. Il nous a transmis à tous son énergie, se souvient Lang. Il m'a simplement dit, eh bien, vous ferez une loi, allez-y, bagarrez-vous. Pour sa part, Michel-Édouard Leclerc, fils du PDG des centres du même nom, réputé pour sa pugnacité commerciale et qui exerce des rabais d'au moins 20% sur le prix des livres, lui défend son précaré. On ne voit pas l'intérêt aujourd'hui en augmentant le prix du livre de 30 à 40% des consommateurs. Les consommateurs n'ont pas été consultés dans cette opération et que je sache, les organisations de consommateurs ont dénoncé l'effet inflationniste de cette loi. Quelle est votre marge sur les livres ? Sur les livres, nous pratiquons une marge moyenne de 14%. La marge maximale sur un livre est de 18% dans un centre Leclerc. La loi Lang nous oblige à aligner nos prix sur les marges des libraires, c'est-à-dire une marge de l'ordre de 35 à 40%. Vous faites la différence. Que j'aime avoir, cher indolent, de ton corps si beau, comme une étoile vacillante, miroiter la peau. Sur ta chevelure profonde, aux acres parfums, mer odorante et vagabonde, aux flots bleus et bruns. Comme un navire qui s'éveille au vent du matin, mon âme rêveuse appareille pour un ciel lointain, tes yeux où rien ne se révèle, de doux ni d'amer, sont deux bijoux froids où se mêlent l'or avec le fer. À te voir marcher en cadence, belle d'abandon, on dirait un serpent qui danse au bout d'un bâton. Sous le fardeau de ta paresse, ta tête d'enfant se balance avec la mollesse d'un jeune éléphant. Et ton corps se penche et s'allonge comme un fin vaisseau qui roule bord sur bord et plonge ses vergues dans l'eau, comme un flot grossi par la fonte des glaciers grondants, quand l'eau de ta bouche remonte au bord de tes dents. Je crois boire un vin de bohème, amer et vainqueur, un ciel liquide qui parsème d'étoiles mon cœur. France Inter, Affaires sensibles. Nous sommes fin mai, début juin 1981. La loi sur le prix unique du livre est au point. Jack Lang arrive donc en Conseil des ministres, la fleur au fusil. Mais François Mitterrand veut s'assurer de sa détermination. Il faut dire que le nouveau président a été bombardé d'appels, de mises en garde et de conseils bienveillants pour que cette loi du prix unique ne voie pas le jour. Alors il se tourne vers Jack Lang en plein Conseil des ministres et lui lance. Alors, monsieur le ministre, elle en est où, cette loi sur le prix unique? Est-ce que ça avance? Oui, ça avance, monsieur le président, le projet est bouclé, arbitré. Êtes-vous sûr de votre coup, au moins? Le nouveau ministre de la Culture se met à bredouiller quelques mots, et plusieurs de ses confrères en profitent, évidemment, pour émettre des réserves. C'est le cas de Catherine Lalumière, la ministre de la Consommation. Elle craint, elle, que cette loi ne soit source d'inflation, qu'elle fasse grimper les prix. Jacques Delors fait valoir aussi ses réticences. Et soudain, tout le monde se met à donner son avis, à avertir Jack Lang qu'il va faire un four avec sa loi. Voyant la tournure que prennent les choses, l'intéressé en appelle à Gaston Defferre, alors ministre de l'Intérieur, un allié de poids. Il se trouve que Defferre est marié à l'écrivaine Edmonde Charleroux, et de ce fait, il soutient ce projet de loi depuis ses débuts. Alors, en désespoir de cause, en plein Conseil des ministres, Lang lui griffonne un petit mot, avec cette phrase « Gaston, sauvez-moi ». Defferre prend alors la parole et retourne entièrement la situation. Il est, de tous les membres du gouvernement, l'un des plus écoutés. Et il rappelle au président tout de même que c'est l'une des 110 propositions du candidat Mitterrand. Apparemment, l'argument fait mouche, car in extremis, le Conseil des ministres donne son accord pour que Jack Lang soumette sa loi à l'Assemblée. Mais là encore, les choses ne vont pas se passer comme prévu pour le fringant ministre de la Culture. Car le planning du Palais Bourbon est surchargé de projets de loi. Lang est donc contraint de commencer son parcours du combattant par le Sénat. Et il se trouve que cette assemblée est encore un bastion de droite. Alors, d'emblée, l'ambition de Lang est douchée. Pire encore, l'opposition vient parfois de la gauche elle-même. Oui, à l'image du sénateur socialiste Léon. Et écoute, président de la Commission à la Culture, qui dit au ministre de la Culture, Jack, n'insiste pas, ça sent mauvais. Le Sénat n'en veut pas, ça ne marchera pas, tu vas te rétamer. Mais Jack Lang refuse de baisser les bras, et la lutte continue. D'ailleurs, aussi paradoxal que cela puisse paraître, c'est la droite, et de la droite, que va venir son salut. Car à la tête de la commission culture du RPR se trouve Maurice Schumann, 70 ans, ancien compagnon de la Libération, ministre d'État sous Pompidou et membre de l'Académie française. À force d'arguments et de flatteries, Jack Lang finit par convaincre Schumann de prendre fait et cause pour lui. C'est vrai qu'avec sa voix veloutée, le ministre de la Culture captive les parlementaires. Et parfois il s'enflamme. Devant cette assemblée raide comme un i, il déploie tout son lyrisme. « À quel prix, dit-il, un nouveau Balzac, un nouveau Rimbaud, un nouveau Proust seront édités, diffusés, élus? À quel prix notre pays conservera une production littéraire digne de son passé et prometteuse d'une réelle évolution ?» Et c'est le miracle. Le texte est adopté en première lecture, et largement, 276 voix pour, 9 contre, inespéré. Bien, Lang doit maintenant affronter l'Assemblée nationale. C'est la première fois qu'il s'exprime devant les députés. Il a le trac. Ben, c'est vrai qu'on a connu baptême du feu plus fédérateur. Pendant ce temps, loin du Palais Bourbon, la FNAC fourbit ses armes, et son PDG André Hessel exprime son désaccord. Le budget des ménages n'est pas élastique. Il faut une certaine dose de dialectique pour démontrer que l'on peut augmenter la diffusion d'un produit, soit-il de culture, en augmentant le prix. En plein débat à l'Assemblée, la FNAC publie un sondage effectué sur 1000 personnes, dont le libellé est clairement orienté. À la question « Préférez-vous que la concurrence continue à jouer son rôle sur le prix du détail des livres ou préférez-vous un prix unique et imposé aligné sur les prix actuels des petites librairies ?» Les Français sanctionnent Jack Lang. 56% d'entre eux se montrent hostiles au prix unique du livre. Mais contre toute attente à l'Assemblée, il n'y a pas que la gauche qui soutient le projet de loi. Jacques Chirac, lui aussi. Au journal télévisé, le patron du RPR exprime les raisons qui l'ont poussé à voter la loi. Je persiste à penser que le livre n'est pas un produit comme les autres. Je crois que les libraires ne peuvent être sauvegardés contre ce qui est tout de même une atteinte fâcheuse portée par tous ces systèmes de grandes surfaces. Et pourtant, je suis pour la liberté des prix dans tous les autres domaines. À l'Assemblée nationale, si à droite l'UDF s'est abstenu, le RPR s'est rangé entièrement derrière Jacques Chirac. Le 30 juillet 1981, il est 1h30 du matin et malgré toutes les tentatives d'intimidation, la loi relative au prix du livre est adoptée. Voilà, Jack Lang pense avoir un boulevard devant lui. L'affaire est rondement menée et il s'en félicite le lendemain du vote sur le plateau TF1. Si nous avions laissé la situation en l'état, dans quelques années, vous auriez eu d'un côté deux ou trois groupes puissants qui auraient naturellement, gagner beaucoup d'argent, orienté l'édition vers les succès les plus faciles, je ne dis pas les best-sellers, écartons ces expressions anglo-saxonnes de notre langage, je dirais les ouvrages à grand succès, au détriment de la littérature nouvelle, au détriment des ouvrages difficiles. Or, vous le savez, la plupart des grands auteurs d'aujourd'hui, enfin, confirmés et ratifiés par la postérité, ont été, dans une première période, découverts lentement, difficilement. Et le système qui existait sous l'empire de l'arrêté Monory est un système qui, à terme, tuait la création littéraire française. La loi qui portera son nom est promulguée le 10 août 1981 par le président de la République. Elle sera effective au 1er janvier 1982. Le premier article stipule que l'éditeur fixe pour chaque ouvrage qu'il publie un prix de vente au public. Les détaillants, des grandes surfaces aux petites librairies, peuvent vendre ses livres avec une marge de 5% seulement, en plus ou en moins. La publication ou la diffusion de livres par correspondance ne peuvent se faire à un prix inférieur à celui de la première édition et un livre ne peut être soldé que s'il a été publié il y a 2 ans ou moins. Le premier à se féliciter de cette nouvelle donne, c'est bien sûr l'éditeur Jérôme Lindon qui s'exprimait à ce sujet fin juillet 1981 sur TF1. Il était absolument nécessaire de prendre très rapidement des mesures pour éviter l'extinction de la recherche aussi bien sur le plan littéraire que sur le plan scientifique en France. Et un pays qui se contente de réimprimer ses grands auteurs est un pays qui sur le plan culturel est en train de mourir. Mais il n'y a pas que les éditeurs qui applaudissent la loi Lang, les écrivains également. Ils sont directement concernés. Et au-delà de la question économique du livre, ils y voient un message global en faveur de la lecture. C'est le cas de François Sagan, interviewé par France 3 la veille du passage de la loi à l'Assemblée. François Sagan, ce prix unique pour les livres était souhaité par les éditeurs, mais aussi par quelques auteurs. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un avantage pour les auteurs? Oui, je pense que c'est un des moyens de savoir ce qu'on pouvait gagner, par exemple. Si on vous dit, placard, 50 000 exemplaires vendus et qu'on sait quel est le prix du livre, on peut calculer. Si on s'en occupe, on peut calculer qu'on a gagné. Quoi. En fait, le système précédent était surtout bon pour les best-sellers, dont vous êtes d'ailleurs. C'est un petit peu vague. On ne savait pas si on disait, je suis éditeur, j'ai gagné tant, puisque j'avais tant sur. On vous dit, ah oui, mais ce n'était pas le même prix que la FNAC. Ça devient extrêmement compliqué. Quoi. Oui, ça, vous pensez que ça peut assainir un petit peu tout ce milieu? Pour les auteurs, c'est mieux. Et je crois que pour certaines librairies, les petites librairies qui n'ont pas à concurrencer les grands centres. Ou... C'est bien ça. La bataille semble gagnée. Mais du côté des grandes surfaces, c'est l'insurrection en vérité. La FNAC se transforme en coopérative pour pratiquer en toute légalité des ristournes de 10 à 12% sur le prix des livres. Leclerc, lui, dans une volonté de provocation manifeste, instaure 2 prix pour le même livre. Le prix Mitterrand, à moins 5%, et le prix Leclerc, moins 30%. Les magasins carrefoureux envisagent de créer une société d'édition pour mettre sur le marché des livres dits « libres ». Finalement, en février 82, la FNAC jette l'éponge. Le gouvernement fait savoir au directeur de l'enseigne, André Essel, qu'il risquait d'y laisser sa peau. Bien, mieux vaut pas insister. Leclerc, lui, n'en reste pas là. En 83, elle saisit le Conseil d'État parce que l'arrêté instituant des amendes de 150 à 200 francs pour un livre vendu au-dessous du prix réglementaire n'a pas été signé par le ministre de l'Économie. Vous le voyez, la guérilla est totale. D'autant qu'un article du magazine des consommateurs Que choisir, paru en avril 83, soit un peu plus d'un an après la promulgation de la loi Lang, va jeter de l'huile sur le feu. Les prix montent, la lecture baisse. Un titre accrocheur pour une enquête publiée il y a quelques jours par le journal Que choisir, afin de mettre en accusation la loi votée à l'unanimité au Parlement sur le prix unique, entrée en vigueur en janvier 82. Pour Que choisir, après 18 mois d'application de la loi, on constaterait une augmentation des prix de 14,3%, soit beaucoup plus que l'indice général des prix. De plus, la baisse de 30% du chiffre d'affaires des grandes surfaces qui ne peuvent plus faire de remise entraînerait une perte de lecteurs. Des lecteurs que les petites librairies n'auraient récupérés qu'en partie seulement. En mars 84, avant le Salon du Livre à Paris, un millier de libraires signe une pétition pour demander aux éditeurs de cesser de servir toute commande au centre Leclerc avec ultimatum au 10 avril. Le cas échéant, ils boycotteront les éditeurs qui persistent à vouloir écouler leur stock chez le géant de la grande distribution. Et la FNAC, qui semblait avoir baissé la garde, revient dans la course. Au printemps de la même année, 84 donc, elle décide, pour pouvoir continuer d'appliquer des rabais, de faire transiter ses livres par l'étranger, la Belgique en particulier. Dans les rayons, elle affiche sur les livres un prix européen. Les éditions Gallimard décident alors de ne plus alimenter la FNAC et de porter l'affaire en justice, suivie par une dizaine d'autres éditeurs. La FNAC fait à nouveau marche arrière. Il reste pour la grande distribution une nouvelle carte à jouer, l'Europe. Or, début 85, le Parlement européen donne raison à la loi Lang. Chaque éditeur étant libre de fixer un prix pour ses livres, il n'y a pas d'entente entre entreprises, donc pas d'infraction à la concurrence européenne. Il est même question, et là ça devient encore plus clair, d'une spécificité du livre. Lorsque la droite revient au pouvoir, lors de la première cohabitation en 86, François Léotard, nouveau ministre de la Culture, n'est pas tenté, mais alors pas du tout, par un retour en arrière. Il comprend très vite que toute la profession a consenti à la loi Lang. Même les grandes surfaces ont cessé le combat sur ce point. Et en 40 ans, cette loi n'a pas entraîné l'inflation redoutée. Dès 82 au contraire, l'édition s'est redressée, la production s'est diversifiée et le réseau de libraires s'est consolidé. Mieux encore, la loi fait école au Portugal, en Espagne, en Grèce, en Italie et tout dernièrement en Belgique, en 2019. Oui, la loi Lang a une dimension européenne et constitue un exemple un peu partout dans le monde. Évidemment, le paysage a beaucoup changé avec la naissance du livre électronique et l'arrivée sur le marché de géants de la vente en ligne comme Amazon. En 2008, deux députés d'ailleurs ont tenté de déposer un amendement pour réduire de 2 ans à 1 an la durée du prix fixé par l'éditeur. On a alors suspecté le lobbying d'Amazon et de Leclerc. Mais globalement, aujourd'hui, plus personne ne remet en cause cette loi. Elle permet de présenter sur les étals des librairies des auteurs exigeants comme Patrick Modiano, Annie Ernaux, bien d'autres, avec des faiseurs de best-sellers comme Marc Lévy, Guillaume Musso et bien d'autres. Mais surtout, son succès dans le temps provient de la plus grande vertu de la politique, ce qu'on appelle la volonté politique, seule capable de supplanter les intérêts privés des acteurs économiques. Cela ne peut pas durer comme... fous qu'on soit ainsi. Étonnez-moi, Benoît, coupez-vous les oreilles. Mangez deux ou trois abeilles, Benoît, faites-moi le grand soleil. Faites sonner le réveil, étonnez-moi. Et je vous redis, étonnez-moi. Étonnez-moi, car de vous à moi, cela ne peut pas, cela ne peut pas durer comme ça. Car de vous à moi, c'est fou ce qu'on s'ennuie ici. France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Aujourd'hui, le prix unique du livre dont nous allons parler avec son créateur, Jack Lang. Bonjour. Bonjour. Alors, le prix unique du livre, une coproduction Jack Lang, Jérôme Lindon et François Mitterrand. J'ai entre les mains, figurez-vous, le Télérama du 8 au 14 mai 2021 de cette année. Et le titre est très beau, c'est « Quand la culture était essentielle ». Ça paraît rien comme ça, mais la phrase est forte. Vous avez une nostalgie, j'imagine, de ces années-là, le début des années 80, où la volonté politique l'a tellement emporté sur les blocages de la société, du monde économique, culturel, que sais-je encore. Nostalgie, non, mais la conviction toujours ancrée en moi que si l'on veut changer les choses, et au moins en tout cas protéger la création, il faut être armé d'une volonté de faire. Et cette loi sur le prix unique du livre, comme tant d'autres mesures, n'ont pu être adoptées que parce que François Mitterrand et moi-même avions une volonté déterminée d'agir vite et fort, avec le soutien d'un grand nombre d'écrivains, d'éditeurs, de professionnels, et au premier chef, Jérôme Lindon. Et oui. Et le prix unique du livre vous paraissait-il à l'époque comme une condition sine qua non de la politique culturelle du pays menée par la gauche? Est-ce que le prix unique du livre était un totem de la gauche? C'était un totem, comme le doublement du budget de la culture que j'ai arraché en quelques jours, comme un peu plus tard d'autres mesures prises en faveur du cinéma qui risquaient de disparaître, comme ont disparu les cinémas italiens, allemands ou autres. Donc il nous fallait, au fond, proclamer concrètement l'exception culturelle. Ça veut dire quoi ? Imaginez des politiques publiques fortes, puissantes, qui fassent prévaloir, disons-le, l'exigence de création sur la consommation immédiate et sur la rentabilité à court terme. Oui, mais c'était la philosophie du projet de loi qui renvoie à ce que je disais, à volonté politique. Toujours, c'est tellement important. On doit beaucoup à Jérôme Lindon quand même. Quels sont les souvenirs que vous avez du début de cette affaire, cette proposition de Jérôme Lindon? D'abord, c'était un immense éditeur. Ah oui. Jérôme Lindon, c'est une partie de l'histoire de la littérature. Marguerite Duras, par exemple, Beckett, et lui-même, en tant qu'éditeur, avait toujours parié sur l'invention, la recherche et la création. C'est lui qui a, je crois, inventé cette idée, et ce fait que, deux ou trois ans avant l'élection de François Mitterrand, je l'ai rencontré, et nous avons discuté, il m'a convaincu qu'il fallait absolument sauvegarder les librairies, sans lesquels nous ne pourrions pas sauvegarder les éditeurs et les écrivains. Et donc, avec cette idée forte, toujours en filigrane, ou même d'ailleurs clairement exprimée, que le livre n'est pas un produit comme les autres. Oui, et d'ailleurs, les œuvres de l'esprit ne sont pas des produits comme les autres. En général, oui. Un film, un disque, une œuvre d'art, et c'est lorsque l'on banalise, lorsque l'on nivelle, lorsqu'on marchandise les œuvres de l'esprit, alors la culture d'un pays s'effondre. On l'a vu, François Mitterrand était très féru de littérature. Évidemment, lui-même était une belle plume. La paille et le grain et d'autres bouquins. Je ne peux que conseiller à nos auditeurs de lire ou les relire. Vous parliez beaucoup de littérature avec lui. Il savait prendre des temps de liberté pour parler d'autre chose que de politique et des affaires de la France, pour parler de littérature avec vous. J'allais dire, inévitablement, lorsque j'avais la chance de l'accompagner en voyage, vous le savez, il y avait toujours un bouquin avec lui, et il m'en parlait ou l'interrogeait sur ce livre. Et puis, il m'a fait connaître beaucoup d'écrivains, et je lui en ai fait connaître de mon côté un certain nombre, notamment les écrivains latino-américains, comme Gabriel García Márquez, oui, qui devient ensuite un ami, qui sera d'ailleurs très présent, vous l'avez rappelé tout à l'heure, à l'entrée en fonction de François Mitterrand, William Styron, et tant d'autres. Et son attachement à, au passage à Jacques Chardon, moi, ça m'a toujours paru un peu mystérieux. Est-ce que c'était parce que c'était deux Charentais ou est-ce qu'il y avait parce qu'il était, il en parlait d'ailleurs, hein, c'était une passion, Chardon. Oui, non, je pense que c'était en effet lié à ses racines, à ses origines, à un partage avec Chardon d'une sensibilité, si vous voulez, particulière, liée à la région qui était la leur. Mais je pense que ça, très sincèrement, il aimait cette écriture. Mais François Mitterrand avait, je dirais, un spectre assez large. Il aimait les écritures pointues, raffinées, mais aussi les écritures populaires. Alors, je reviens sur un épisode de la vie de cette loi et de sa construction. C'était au Conseil des ministres. Alors, moi, j'y étais pas, évidemment. J'essayais de le raconter comme on nous a dit que ça s'était passé. Quel souvenir vous gardez avec de faire à la rescousse? Racontez-nous. Oui, ça s'est plutôt bien passé. Si vous voulez, j'étais un bleu, j'étais un nouveau. François Mitterrand avait été enseveli sous les télégrammes, c'est ce qu'on disait un peu à l'époque, les mails d'aujourd'hui, qu'il conjurait surtout de ne pas donner suite à ce projet diabolique. Et François Mitterrand a voulu en quelque sorte m'éprouver et m'a demandé, ce qui normalement ne se fait pas lorsqu'un projet de loi a été arbitré, de dire en quelques mots en quoi il fallait l'adopter immédiatement. Comme il a ouvert la discussion, alors d'autres ministres sont engouffrés dans la brèche. Le ministre de la Consommation, et je ne lui en veux pas, a commencé à dire ce sera une inflation, les prix vont grimper, enfin, et d'autres. Et quand j'ai vu que la discussion risquait de tourner mal, j'ai mis un petit mot à Gaston Lefebvre, qui était le plus ancien du gouvernement, très respecté par François Mitterrand, et je lui dis, par ce petit mot, Gaston, sauvez-moi. Il a pris la parole et l'affaire a été enlevée. Mais vous n'avez pas, aviez-vous, aux yeux de vos collègues ministres, un statut un peu privilégié parce que vous êtes ministre de la Culture et voilà que François Mitterrand double, mais c'est incroyable, double le budget du ministère de la Culture. Ça n'était jamais arrivé avant et je suis absolument certain que ça n'est jamais arrivé après. C'est vrai, disons que, bon, d'abord, une certaine complicité s'était nouée entre François Mitterrand et moi-même, au cours des années précédentes, nous avions mené toute une série de combats, notamment culturels, et nous avions pris des engagements. Et lui, comme moi, nous considérions que ces engagements devaient être tenus rigoureusement, vigoureusement, et voilà, cette ambition partagée nous a permis d'avancer, et pas seulement d'ailleurs pour le budget, pas seulement pour le livre, mais aussi pour le cinéma, pour la construction, la rénovation du Louvre, et surtout beaucoup d'autres choses à travers le pays. C'était la chance. C'était une petite révolution culturelle que nous étions décidés à engager coûte que coûte. Et vous aviez vraiment la chance d'être le ministre de la Culture de ce président-là. Moi, j'imagine que c'était peut-être plus facile que pour tous les autres. C'est une chance exceptionnelle. C'est vrai que je n'aurais jamais pu entreprendre tout cela sans son appui, sa conviction, et au fur et à mesure des années, son affection. Cela dit, quand vous vous présentez au Sénat ou à l'Assemblée nationale, il n'est pas là physiquement pour vous soutenir, hein, donc il faut vous débrouiller seul. Quel souvenir vous gardez de la confrontation, que ça, c'est toujours une confrontation, mais c'est un débat avec les parlementaires. Je crois que vous l'avez très bien raconté tout à l'heure. Je vous félicite au passage de votre récit qui était parfait. Merci. Et je vais d'abord devant le Sénat parce que l'ordre du jour était encombré à l'Assemblée. Je n'ai pas prêté attention, et je suis accueilli par un président de la commission des affaires culturelles qui me dit, je le connaissais, écoute Jacques, renonce. Ils n'en veulent pas. Puis je ne suis pas prêt à renoncer, on y va, on va se bagarrer. Et la chance, en effet, comme vous l'avez dit, c'est que Maurice Schumann, académicien, écrivain, personnalité reconnue, a pris fait et cause pour ce projet et a remporté le morceau. La pression qu'exerçaient des groupes comme Leclerc, la FNAC, on connaît hein, leur puissance et leur force, était-elle difficile à supporter ? Qu'est-ce que ça a provoqué chez vous ? On a du mal à imaginer ce qu'était la violence de cette bataille. Monsieur Leclerc, ce père, était très, très, très véhément, très dur. Et monsieur Essel à la FNAC, de même. Les mots employés étaient vigoureux. Et surtout, il se mettait en infraction avec la loi, dès lors, elle a été votée, aussitôt, ils ont dit, on va la violer. Donc j'ai dû prendre des mesures de sanction, mais ça n'a pas été suffisant. Ils ont réussi, parce qu'ils étaient très malins, à saisir la Cour européenne de Luxembourg. Et là, on a failli vraiment se casser la figure. Ça s'est joué à peu de choses, et on a gagné. Et du coup, cette loi est entrée définitivement dans les mœurs et dans les textes. Bien sûr, mais les mœurs ont changé, de façon numérique. Comment voyez-vous le paysage actuel de la littérature avec les livres électroniques, les plateformes de vente et compagnie ? Oui, ce sont deux sujets différents, si vous voulez. Bon, d'abord, le prix du livre numérique a été encadré par une loi qui date de quelques années. Le livre numérique ne va pas être négligé, mais il n'occupe que 9% des ventes des éditeurs. Il est très inférieur en France aux pratiques d'autres pays. Je pense que la tradition du livre physique, le livre qu'on touche, le livre que l'on caresse, le livre que l'on hume, se maintient. Et dans cette période, vous avez évoqué de Covid, tout à coup, les libraires ont été plus que jamais chéris, aimés, et sont devenus des lieux de bonheur. Et on a oui, parce qu'on a compris la place qu'il tenait. Hein, on reconnaît le bonheur au bruit qu'il fait quand il s'en va, c'est bien connu. Et là, pour les librairies, c'était vraiment ça, quoi. C'était ça, c'est absolument ça. Comment, quel regard vous portez sur la façon dont la culture a été abordée par les gouvernements qui ont succédé celui auquel vous avez participé ? Il y a eu des grandes réformes pour la culture ou qu'est-ce que vous en pensez ? C'est difficile d'en parler en quelques mots. Oui, j'imagine. Je ne suis pas le meilleur, juge pour en parler. Bon. Toute dernière question. Quel est votre livre de chevet en ce moment ? Qu'est-ce qui vous passionne ? Mon livre de chevet, c'est plutôt un livre rêvé. Je dirais que je rêverais un jour de lire, il faudrait que un peu de temps, de lire intégralement le Roland Furieux de l'Arioste. C'était un best-seller, si on peut dire, médiéval, pendant plusieurs siècles. C'est un roman de 40 000 vers. Ah oui. Tour à tour, chansons de gestes, romans courtois, romans chevaleresques, poèmes, qui fait écho aux humanistes comme Rabelais ou Erasme. C'est un livre total sur la folie. Et pourquoi le Roland Furieux, pourquoi l'Arioste ? Parce que j'ai gardé en moi un souvenir puissant et fort de l'adaptation devenue mythique, qu'elle a réalisé Luca Ronconi en 1970 au Hall de Baltar. Malheureusement détruite par un gouvernement et un président de l'époque. Le Hall de Baltar, absolument. Jacques Lang, je vous remercie. Je sais que vous vous exprimez sur Jean-Paul Belmondo, mais bien sûr, hein, puisque c'est un événement considérable. Donc je vous laisse travailler. Merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Merci, au revoir. Et bravo et merci, vraiment merci. Merci Jacques. Merci pour les libraires, merci pour les éditeurs et merci pour les lecteurs. À bientôt. À bientôt. On se pressait dans la mêlée, sans s'entendre ni se parler. mon tunnel, chaud comme un intestin. On a suivi les gens, dans l'air moite le fracas. Tout devenait flippant. À coups de pelle mécanique frénétique, les bulldozers au-dessus nos têtes. Défoncer les chaussées décrépites, ignorant les frêles, les mous, les neurasthéniques. Les flics semaient le chaos avec leur sirène américaine. Entre deux souffles, nos sens à l'affût désorientés. Françoise Breut sur France Inter, dérives urbaines dans la ville cannibale. Demain, puisque je dispose de quelques secondes, le 11 septembre 2021, ce sera samedi évidemment en écho au 11 septembre 2001, et pour ce qui concerne l'affaire sensible, demain, nous vous raconterons les événements avant le 11 septembre, jeudi pendant le 11 septembre et vendredi après le 11 septembre. C'était Affaires Sensibles, aujourd'hui le prix unique du livre, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Mathias Alléon.